chanter à l'heure de sa dernière heure chanter l'amour, le chagrin, la tendresse, les fleurs qui naissent, les nuits d'été. Chanter, avoir peur, avoir mal, mais chanter, la tête dans les étoiles, chanter, la joie et la fureur de vivre en équilibre, en liberté. Chanter pour un enfant qui souffre, chanter jusqu'à perdre le souffle, chanter et même à la fin du spectacle. Chanter comme un feu qui pétille, chanter.